Chapitre 36e. Les cailloux ne sont pas de l'or. Il fallut se rendre à l'évidence, et tout fantastique, tout impossible que cela parût, constater la vérité, cette fois absolument invraisemblable. On avait volé 1 000 000 dans les caves de la Banque de France. Quand, comment, c'était le mystère. Cet or, avant d'être enfermé dans ses caisses et porté dans ses caveaux, est vérifié, compté, empaqueté, scellé. Il passe par de nombreuses mains, et sa mise en réserve est entourée de telles garanties que jusqu'à présent, jusqu'à la constatation de ce fait absolument authentique, personne ne pouvait même supposer qu'un pareil vol pût se commettre. On juge du désarroi que cela produisit. Maintenant, personne parmi les personnages officiels ne pouvait douter de la réalité du fait. Le vol était patent. On défit en hâte, avec fièvre, quelques sacs. Tous comme le premier contenaient des petits cailloux. « Qui ?» demanda le directeur affolé. « Qui a pu commettre ce vol? Qui a osé? Qui a pu l'accomplir ?» Un homme seul. Le génie du mal, pensait à présent le directeur qui se plaisait tout à l'heure à nier la possibilité d'un tel crime, et qui tournait à présent vers Paulin Broquet ses yeux anxieux, navrés. Le héros du crime, l'être fantastique dont le nom faisait frémir, celui-là seul était capable d'avoir essayé et réussi ce coup audacieux, pour tout autre impossible. Et le directeur anxieux attendait que Paulin Broquet, à la question, répondit « Zigomard ». Oui. Il semblait à tout le monde que si Paulin Broquet disait « C'est Zigomard qui a volé 1 000 000 de la Banque de France », cela eût soulagé les âmes des fonctionnaires, la conscience des responsables. Un vol commis par Zigomard était tout excusé, ou plutôt, ceux que Zigomard dépouillait ne pouvaient qu'être plaints, non blâmés, de s'être laissé détrousser par lui. Zigomard était le maître, le phénomène, tout lui réussissait, même, surtout, ce qui eût été humainement impossible aux autres. Mais contre tout espoir, Paulin Broquet ne voulait pas prononcer ce nom fatidique. Et maintenant, alors que le nom était sur toutes les lèvres, personne n'osa le faire entendre. Une angoisse étrange étreignait tous ses cœurs. On redoutait de dire ce nom, de voir apparaître au mur le Z rouge. Et dans ces caves gorgées d'or, jusqu'ici inviolées, il sembla que la puissance occulte et infaillible de Zigomard régnât en souveraine. On eut la sensation d'un souffle qui passait, d'une main qui serrait, de Zigomard. Paulin Broquet, raide, froid, immobile, enveloppait de son regard d'acier toute la caravane officielle, figée, désemparée, anéantie. Il attendait. Tout à coup, ce grand silence, glacé sous ses voûtes lourdes, pénible, angoissant, fut interrompu par un bruit, un choc léger, atténué, qui en d'autres minutes n'aurait pas été perçu. Mais les nerfs étaient tendus, les sens surexcités, et à chacun il sembla que le bruit fût fort, puissant. Le cortège officiel tressaillit. Tout le monde se retourna vers le fond du caveau où ce bruit avait retenti. Quelques personnes sursautèrent, retinrent avec peine un cri de terreur. Peut-être était Zigomard qui apparaissait. Mais Paulin Broquet avait aussitôt tourné la tête et dirigé ses yeux qui perçaient les ténèbres vers le fond du caveau. Il se mit à sourire. « Rassurez-vous, messieurs, » dit-il, « c'est un rat. » Chacun poussa un soupir de soulagement et, se remettant de l'alarme, affecta de rire. Cependant, pour ce matin, la mission des magistrats semblait terminée. « Nous devons maintenant, pour poursuivre l'enquête, » dit le préfet de police au directeur, « attendre que vous ayez, selon les règlements, déposé une plainte régulière. » Ce qui restait à faire désormais, dans les caves de la Banque de France, ne regardait plus que le personnel de la Banque de France. La visite était terminée. Elle avait une conclusion tout autre que celle dont on avait l'habitude, une conclusion absolument inattendue. Mais là, s'arrêtait provisoirement le rôle de la police appelée ici, aujourd'hui, seulement à titre de témoin. Avec les mêmes formalités que pour entrer, on se retira, on abandonna les caves. En chemin, M. Ramard dit tout bas à Paulin Broquet « Soyez certain qu'ils envoient tous les diables, Paulin Broquet et sa loupe. » Le détective répondit « J'en suis persuadé. » Cependant, le directeur emmena le préfet de police, M. Ramard, Paulin Broquet et son lieutenant dans son cabinet. Il voulait parler encore de ce vol singulier, fantastique. Il tenait à connaître l'opinion de Paulin Broquet. Son chef lui ayant demandé de lui dire toute sa pensée, le détective, en peu de mots, établit la situation, mit les choses au point. « Le vol, dit-il, n'est pas niable. Il est un fait certain, c'est qu'il a été commis après la dernière visite opérée dans les caves par la commission. » Le choix d'une caisse, ce jour-là vérifiée et timbrée, indique que le voleur a connu cette date et qu'il a su qu'on timbrait spécialement les caisses vérifiées au hasard. Il a reconnu le timbre, chose d'ailleurs facile, puisqu'il porte la date de son imposition. En choisissant donc une caisse vérifiée et timbrée, il savait parfaitement qu'à moins d'un hasard à peu près inadmissible, cette caisse ne serait pas de longtemps ouverte. Il était certain que son vol demeurerait totalement inconnu pendant de longues années, jusqu'au moment où la Banque de France, pour une raison forte, supérieure, serait obligée d'ouvrir les caisses, c'est-à-dire peut-être jamais. Il a donc fallu que ce voleur entrât dans la cave, naturellement. Et cependant, vous avez vu combien c'est difficile d'y accéder. Il faut franchir, j'ose dire, des kilomètres de couloirs fermés par de solides portes, devant lesquelles veillent des gardiens fidèles. Il faudrait pour cela corrompre à peu près tout le personnel des gardiens. Or, ces gens sont de braves et loyaux serviteurs, qui ont l'honneur de leur devoir, et sont absolument incorruptibles. Aussi, dit Paulin Broquet, les voleurs ne se sont-ils pas adressés au personnel? Ils ont évité les couloirs et passé par un autre chemin. Par où? Je ne sais pas encore. Il est impossible de pénétrer par une autre voie que par les couloirs. Vous avez vu l'épaisseur des voûtes, des murs, tout cela est inviolable. Le sol est lui-même dallé et cimenté. Pardon, interrompit Paulin Broquet, j'ai vu tout cela. Oui, les murs sont solides, les voûtes formidables, le sol dallé en pierre de taille. Cependant, un rat a trouvé moyen de se glisser dans les caves. Un rat, ce n'est pas un homme. Veuillez me laisser achever. Un rat a pu passer à travers ces murs, ces voûtes, le sol. Or, comme ce rat ne doit rien trouver à manger dans les caves, et qu'il est bien vivant, il faut admettre qu'il peut très facilement se faufiler au dehors, chercher sa nourriture ailleurs, et venir dans vos caves faire sa promenade. Ce qui veut dire qu'il y a dans vos murs, dans vos voûtes, ou dans votre sol, une fissure par où passe ce rat, une fissure qui fait communiquer vos caves avec le dehors, une issue que vous ne connaissez pas. Or, croyez-moi, cette fissure, ce couloir, qui doit être d'assez grande longueur, n'a pas seulement la largeur du corps d'un rat. Je crois que ce passage est assez large pour qu'un homme y puisse passer avec les sacs de cailloux qui doivent remplacer dans les caisses bien estampillées et bien vérifiées les belles pièces d'or de la Banque de France. Et s'inclinant, il conclut « C'est tout ce que je puis vous dire aujourd'hui. » Dans le bureau de M. Ramard, il dit quelque temps après « Chef, je n'ai pas seulement fait travailler ma loupe, j'ai aussi consulté ma boussole. J'ai relevé la situation du caveau dans lequel le vol a été commis. Je crois pouvoir établir la direction du couloir, du souterrain par lequel les voleurs sont passés. » Le chef de la sûreté demanda « C'est Zigomar ?»« Peut-être oui, peut-être non. » Puis, gardant le silence, au bout d'un moment de réflexion, il reprit « Depuis longtemps, je me demande avec quel argent Zigomar peut mener son train de vie, qui doit lui coûter extrêmement cher, où il puise ses ressources. Car les grosses affaires de vol, celles qui ont rapporté la forte somme, n'ont pas été nombreuses, tous ces temps derniers en France ou à l'étranger. Les fonds de Zigomar devaient être plutôt en baisse. Cependant, les aides marchent encore et dépensent beaucoup d'argent. Maintenant, tout s'explique. Zigomar a choisi le plus sûr des banquiers, la Banque de France elle-même. » Comme Paulin Broquet parlait de cela encore avec le chef de la sûreté, on annonça le chef de service de la Banque de France qui, ce matin, avait dirigé la caravane d'inspection. « Je viens, dit-il à M. Ramard, vous demander un grand service. Mais avec le plus grand plaisir, si je puis vous être utile. » Après la découverte sensationnelle faite tout à l'heure par cet incomparable Paulin Broquet, le conseil de la Banque de France s'est assemblé aussitôt pour étudier la question chez le gouverneur. Après mûr examen, il a été décidé qu'on ne porterait pas plainte. Le vol sera tenu secret. Vous comprenez pourquoi. On ne veut pas ébruiter l'affaire. Cela pourrait causer des paniques et amener une perturbation financière dont les conséquences seraient incalculables. La Banque de France perd 1 million. Elle le remplacera, voilà tout. Mais ce vol demeurera secret, inconnu du public, prompt à s'affoler. Cependant, nous ne voulons pas que par effet puisse se renouveler. Nous allons vérifier toutes les caisses afin de savoir si nous n'avons 1 million à regretter. Et nous voulons empêcher toute nouvelle tentative. Pour cela, nous venons, sans déposer de plainte au parquet et faire bavarder la presse, sans donner l'alarme, vous demander de nous prêter le merveilleux Paulin Broquet, qui, avec la loupe, dont nous avons eu le tort de rire tout d'abord ce matin, saura bien découvrir par quel trou à rat le voleur s'est introduit dans ces caves, que nous pensions fermement inviolables, hors de tout coup de main. Le chef de la sûreté se rendit à ses raisons et chargea Paulin Broquet d'éclaircir cette affaire. Elle entrait bien dans les désirs du détective, qui déclara qu'il se mettrait sans tarder en campagne. « Tout d'abord, dit-il au directeur, veillez bien à ce que personne à la banque ne sache que je me charge de cette histoire. Secondement, veuillez donner l'ordre qu'on transporte tout de suite, dans le caveau où le vol a été commis, deux sacs de plâtre à modeler, très fins, très blancs. »